canzoni voltata, amore io danno domani per me. Insurgenti Record, où l'occasion évidemment d'avoir les plus belles mélodies sur notre antenne, ça n'a pas de prix. Alta Frequence, bon appétit si vous êtes à table. Ouais, c'est important ça quand même. Moi j'aime bien manger, alors pas qu'à midi, hein. Je mange à midi, à 15h, à 17h, à 19h, mais je parle de vrais repas là, je parle pas des goûters et tout ça. Hein. Voilà, parce que je suis comme ça, on m'appelle un ventre à pâtes. Voilà, vous avez un peu l'image, bah c'est moi, voilà. Sauf que bah moi j'ai la chance, j'ai la ligne, à peu près, à peu près. Allez, bienvenue à tous et merci d'être là. Bon courage évidemment si vous êtes comme moi et que vous avez toujours faim. La suite, c'est Rouler Jeunesse avec Dis-le-moi quand même et le retour tout à l'heure d'Elton John sur Alta. J'ai pas compris au début, je croyais à une histoire d'amour digne d'un conte de fées. Tu m'as appris que c'était pas pareil. Et que les histoires d'amour fallait les inventer. Et ça tourne et ça tourne en rond. Je crois que je suis pas le bon. Je remets tout en question, mais tu me dis que je me trompe. Et ça tourne en rond. Je crois que je suis pas le bon. Je remets tout en question, mais tu me dis que je me trompe. Je sais que tu m'aimes, mais dis-le-moi quand même. Dans ma tête ça tourne en boucle, il faut que ça s'arrête. Et si l'amour donne des ailes, dis-le-moi si tu m'aimes, dis-le, dis-le-moi quand même. croyais à une histoire d'amour digne d'un conte de fées. Tu m'as appris qu'on n'était pas les mêmes et que notre histoire d'amour ne faisait que commencer. Et ça tourne en rond. Je crois que je suis pas le bon. Je remets tout en question, mais tu me dis que je me trompe. Et ça tourne en rond. Je crois que je suis pas le bon. Je remets tout en question, mais tu me dis que je me trompe. Je sais que tu m'aimes, mais dis-le-moi quand même. Dans ma tête, ça tourne en boucle. Il faut que ça s'arrête. Et si l'amour donne des mon plus beau je t'aime. Avec toi je découvre la vie. Je ris, je pleure, je me relève. Et si demain retombe la pluie, je crois qu'on a compris la rengaine. Car je t'aime pour le meilleur et le pire. Au cœur, à corps, quoi qu'il advienne. Je crois que j'ai compris. Tu me fais tourner la tête. Grâce à toi tous les jours je vis mon conte de fées. Je sais que tu m'aimes, mais dis-le-moi quand même. Je veux l'entendre tous les jours. Faut pas que ça s'arrête. Et si l'amour donne des C'est une nouveauté, dis-le-moi quand même, pour vous rouler jeunesse, Alta Fréquence, la radio corse. Et justement, tiens, puisqu'on parle de chansons corse et de radio corse, bah, tout à l'heure, vous retrouverez Félie pour votre plus grand plaisir. Pour arriver jusque-là, et même je dirais jusqu'à la demi, c'est Elton John qui arrive. Voici la bande originale du Roi Lion. La musique revient dans un instant, juste après ça. 10, 11 et 12 novembre, les cases et les bulles, le retour. 21e édition du Festival International de la BD d'Ajaccio et de la Corse du Sud. Cette année, Mickey, Donald, Picsou et tous vos personnages préférés sont nos invités. Le Festival International de la BD d'Ajaccio, des expositions uniques et des ateliers pour tous. Et très vite, d'autres infos. 10, 11, 12 novembre, au Palais des Congrès d'Ajaccio pour fêter les 21 ans du Festival International de la BD d'Ajaccio et de la Corse du Sud. Entrée gratuite, comme d'hab. Vous recherchez des produits locaux de qualité et de saison, le savoir-faire de votre région ou simplement un moment d'échange avec les producteurs, n'hésitez pas à venir chez Tisorino, street magasin de producteurs, quartier Saint-Joseph, sur le parking Castellani. Et nouveauté, retrouvez les meilleurs produits de Tisorino, street au Mercatel ou sur le parking de la gare de Mezzane, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Rendez-vous directement à la borne ou réservez votre panier sur l'appli mobile Le Casier Français. Tisorino, street Robin Ushrali et Momento Disparterre. Le 10 août, c'est la fête patronale de Portici. La rive sud célèbre la Saint-Laurent. Le matin, dès 8h, place aux sportifs avec la grande édition du Swim Run, une course mêlant nage et running. Dès 22h30, la Saint-Laurent s'illumine de son grand feu d'artifice pour faire pétiller tous les regards. Le 10 août, tous à Portici pour la Saint-Laurent, le rendez-vous convivial de l'été. Et n'oubliez pas, à 18h30, la traditionnelle messe de la Saint-Laurent en l'église de Portici. Alta frequenza, Imperi, 103.2. There's a calm surrender to the rush of day. When the heat of a rolling wave can't be turned away, an enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love Can you feel the love tonight sur les ondes d'Alta Fréquence? Ouais, alors imaginez-vous, vous dites ça aujourd'hui, voilà, vous êtes là, vous rencontrez votre crush pour la première fois, vous êtes dans la voiture, tranquille, vous lui montrez, je ne sais pas moi, les falaises de Bonifacio, voilà, magnifique et tout ça, et puis vous lui dites ça alors que la lune se lève tranquillement, can you feel the love tonight? Eh bien, si vous dites ça, c'est plus du romantisme aujourd'hui, c'est presque du harcèlement, hein, voilà, faut se méfier de ce que vous dites, voilà. Alors si vous le dites en anglais, il y a une chance que ça passe quand même. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait plus quoi dire. Hein. Bon, en tout cas, tout est dit. Allez, nous allons poursuivre nous avec le meilleur de la musique. Mais d'abord, une tranche d'information sur Elta. Il est l'heure. Bonjour, bonjour à tous. Ça déborde aux urgences. Les hôpitaux ne peuvent plus faire face à l'afflux de vacanciers faute de médecins. Une seule solution, trier les patients. Pas assez de médecins, mais trop de coiffeurs. Le nombre de professionnels a explosé ces dernières années. Et forcément, beaucoup doivent mettre la clé sous la porte. Et puis, Paris a bu la tasse ce week-end. La Coupe du Monde de natation en eau libre a dû être annulée à cause de la pollution de la Seine. Ça sent pas très bon pour les JO l'an prochain. En cas d'urgence, veuillez composer le 15 et ne surtout pas vous rendre aux urgences. De plus en plus d'hôpitaux mettent en place cette procédure l'été, car les services sont saturés faute de personnel et ne peuvent pas faire face à l'arrivée des vacanciers. Le SAMU doit donc filtrer les patients, un système dangereux selon Pierre Swaptelier, co-président du collectif Interurgence. Faire une évaluation d'un risque pour un patient par téléphone, c'est assez limité. On a déjà des souvenirs d'épisodes au niveau du SAMU qui ont fait grand bruit. Et à l'époque, le SAMU n'avait pas comme objectif de refuser l'accès aux urgences. Là, aujourd'hui, on demande à ces gens au téléphone de refuser l'accès aux urgences. Ça a des risques. On a surtout des patients qui sont dans des situations où ils se retrouvent devant la porte des urgences, ils se retrouvent devant un téléphone en face de l'hôpital et ils se retrouvent dans une situation où ils ne peuvent plus rien faire. Après, c'est des patients aussi qui sont amenés à faire des kilomètres et des kilomètres pour trouver une porte ouverte qui peut les accueillir. Voilà, hein, quand c'est fermé, toutes les conséquences qu'il peut y avoir. Le ministre de la Santé pourrait annoncer des mesures à la rentrée, notamment sur le travail de nuit. Autre fléau très courant malheureusement en période estivale, les abandons d'animaux, 60 000 chaque été. Le ministre des Transports est attendu aujourd'hui dans un refuge de la Fondation Brigitte Bardot dans les Yvelines pour sensibiliser les Français à cette pratique qui, rappelons-le, est passible de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Une vingtaine de massifs forestiers des Bouches-du-Rhône sont toujours fermés aujourd'hui à cause du risque d'incendie qui est très élevé. D'ailleurs, hier, un incendie s'est déclaré à Rognac, près de Vitrolles. Une vingtaine d'hectares a été détruite. Plus de 200 pompiers sont intervenus car il y avait énormément de vent. L'incendie est à présent maîtrisé. Incendie également au Portugal, dans le centre du pays. Près de 7000 hectares de végétation sont partis en fumée depuis vendredi à Castelo Branco. Plus d'un millier de pompiers sont mobilisés car le feu pourrait potentiellement parcourir jusqu'à 20 000 hectares s'il n'est pas stoppé rapidement. Retour en France où les coiffeurs se font des cheveux blonds. En 2 ans, les faillites d'établissements de coiffure ont augmenté de plus de 180%. Des centaines de procédures de liquidation et de redressement judiciaire ont été enregistrées depuis le 1er janvier. Certains professionnels estiment que la filière pourrait être en danger. Ce n'est pas le cas de Christophe Doré, président de l'Union nationale des entreprises de coiffure. Il y a une montée un peu en charge par rapport à ce qu'on a connu sur les défaillances et les faillites. Néanmoins, on est aussi sur un marché qui se régule et qui doit se réguler. Parce qu'aujourd'hui, post-Covid, il y a eu un nombre incroyable d'installations en établissements de coiffure. Et qu'aujourd'hui, on a passé la barre des 100 000 établissements de coiffure. Et que ce chiffre est beaucoup trop haut. Donc, obligatoirement, la part du gâteau s'affine pour la plupart des établissements. Et donc, à un moment, certains n'auront pas suffisamment de part de gâteau pour manger sur ce gâteau. Les établissements de coiffure sont également moins fréquentés que les années précédentes. 4 visites annuelles pour les femmes et 6 pour les hommes. Au Niger, l'ultimatum lancé par les pays d'Afrique de l'Ouest aux putschistes qui ont pris le pouvoir il y a 10 jours a expiré hier soir. Ils exigeaient que le président Bazoum soit rétabli dans ses fonctions sous peine d'utiliser la force. La junte, désormais au pouvoir, a fermé l'espace aérien pour éviter toute intervention militaire. La France, quant à elle, a affirmé qu'elle n'allait pas intervenir. Et puis c'est un véritable coup de massue pour la ville de Paris à 1 an des Jeux Olympiques et Paralympiques. Après avoir été reportée, la compétition de Coupe du Monde de natation en eau libre sur la Seine a finalement été annulée hier matin. Une discipline présente au JO et qui devait être un test grandeur nature pour la ville et les organisateurs avant le début de l'événement. Mais malheureusement, elle n'a pas pu se dérouler à cause de la pollution du fleuve, Romain Bruas. Oui, il a beaucoup plu sur la capitale ces derniers jours. Conséquence, les égouts ont débordé, les eaux usées ont été ramenées dans la Seine. La présence de la bactérie E. coli a été détectée dans le fleuve avec des taux qui dépassaient les limites sanitaires. Un scénario redouté par les organisateurs pour les Jeux Olympiques qui, vous l'avez dit, débutent dans 1 an. La préfecture de police se veut toutefois rassurante. De nouvelles infrastructures seront livrées d'ici l'année prochaine afin d'améliorer davantage le traitement des eaux partant de pluie. Et de nouvelles analyses de la Seine seront effectuées avant une compétition de triathlon prévue dans une dizaine de jours. Rappelons que la maire de Paris, Anne Hidalgo, a promis que la baignade serait possible dans le fleuve d'ici 2 ans. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente matinée. À notre écoute. Parole incantate di Zidellina, quante potrigate a di Amadina, poi gusicalle di latte ae labbre, parole incantate, parlate, parlate. Musicale di latte ai labbre, parole incantate, parlate, parlate. Parole di vua, di primi amori, quante bodrigade abbatten ligori, boi gusicale di fogo e labbre, parulle di vua, parlade, parlade, boi gusicale di fogo e labbre, parulle. Parulla sinnade di besu e primura, quante bodrigade appiglia versura, boi gumbulede più strade sbiade, parulla sinnade parlade strade sbiade, parulla sinnade, parlade, parlate. Parulle di vita, d'amore, di pace, di vive da che bibiatate, tenite barulla, parlate, parlate, se così de vive da che bibiatate, tenite barulla, parlate, parlate, se così de Félie pour vous sur les ondes d'Alta Fréquence, l'occasion d'avoir les plus belles chansons corses. Et comme d'habitude, elles donnent de la voix, elles sont là pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et n'oubliez pas notre web radio 100% corse qui vous accueille également sur les ondes d'Alta Fréquence avec que de la chanson corse à l'intérieur. Sympa. En attendant, n'oubliez pas, sur les ondes d'Alta, tout à l'heure vous avez rendez-vous ici sur notre antenne avec Eouni Isola. Dès maintenant pour vous, c'est Vianney avec Dumbo et Genesis. Maman m'a dit qu'elle écoutait souvent du Stevie Wonder. Quand elle attendait gentiment que je vienne au monde, je suis venu sachant qu'on ne voit vraiment jamais, non jamais, si bien qu'avec le cœur. On passe nos vies à compter tout ce que l'on n'a pas, en mettant parfois nos foi dans le plus gris des états. On oublie qu'on est bien que de l'intérieur, ça n'enlève pas les pleurs. Mais moi, je fais comme Dumbo, je ne fais que voler au-dessus de mes défauts. Je fais comme Dumbo, je ne fais que voler. Un éléphant roi se trompe parfois et danse aussi mal que vous et moi. En éléphant, moi, je ne me trompe pas quand je me dis qu'il faut qu'on s'aime soi. Les oiseaux les plus bruyants, les plus coucous, je suis là, ne sont pas les plus aimants, enfin ça dépend je crois. La place que l'on prend ne dit jamais bien si l'on est heureux de ce que l'on devient. Je fais comme Dumbo, je ne fais que voler au-dessus de mes défauts. Je fais comme Dumbo, je ne fais que voler. Oh. Un éléphant roi se trompe parfois et danse aussi mal que vous. Moi, en éléphant, moi, je ne me trompe pas quand je me qu'on s'aime. Soit, au soir. Qui ne s'aiment pas, je me suis souvent demandé ce qu'aiment les âmes qui ne s'aiment pas. Moi je m'envole, je m'en vais. Je garde mes tempos, je ne fais que voler au-dessus de mes défauts. Je fais comme mes tempos, je ne fais que voler. Ah, un éléphant roi se trompe parfois et danse aussi mal que vous. Je me dis qu'il faut qu'on s'aime. Soit un éléphant roi se trompe parfois et danse aussi mal que vous et moi. En éléphant, moi, je ne me trompe pas quand je me dis qu'il faut qu'on s'aime. Yeah. di alta frequenza e a fianco a voi. I'm sorry. C'est nommé énorme standard Genesis sur les ondes d'Alta Fréquence. Autre grand grand monsieur dont on parle beaucoup, notamment en ce moment, parce que c'est vrai qu'il a fait des tas de chansons comme Société, Tu m'auras pas, ou d'autres évidemment, hein, qui sont toujours très actuelles. Et j'ai l'impression que plus on avance dans le temps, plus ces chansons d'avant, un peu criardes, un peu moqueurs, étaient là et étaient tout à fait d'actualité aujourd'hui. Renaud, on le retrouve avec un autre standard, un peu plus fleur bleue. C'est Héloïse sur les ondes d'Alta Fréquence. Tiens-moi bien la main, Héloïse, tiens bien celle de ta mère aussi. Chose due, chose promise, tu voulais Venise, la voici. Sur la lagune, aux eaux si grises, une escapade improvisée. Nous sommes partis sans valise, certains diront qu'on s'est sauvés. Dans cette ville banquise, résonnent nos pas. Il y a des cités qui s'amenuisent, mais l'amour part. Éternise, on se croirait au carnaval. Moi le Pierrot, vous les marquises, vous si belle et moi si pâle. La source à laquelle je puise et qui jamais ne se tarit, coule à vos lèvres cerises quand l'une chante et l'autre rit. Dans cette ville banquise résonnent nos pas. Il y a des cités qui s'amenuisent, mais l'amour part. Bien la main, Héloïse, serre-la aussi fort que tu peux. Est-ce que comme moi tu réalises ce qui se joue devant nos yeux? Il y a ces choses qui s'enlisent et celles qui éternellement tiendront comme tu tiens, Héloïse, ma main et celle de ta maman. Dans cette ville banquise résonnent nos pas. Il y a des cités qui s'amenuisent, mais l'amour part. Dans cette ville banquise résonnent nos pas. Il y a des cités qui s'amenuisent, mais l'amour part. Io mi lascio portare non talonde di alta frequenza. Alta frequenza a Radio Ria Corsica. Aprendimos a quererte desde la histórica altura. Donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.

Tout d'abord, il faut savoir que les manèges sont soumis à des contrôles stricts. Il y a d'ailleurs une loi qui, depuis 2008, encadre la sécurité des manèges et leur installation dans les fêtes foraines ou dans les parcs. Les manèges sont classifiés en différentes catégories selon leur degré de dangerosité. Les attractions à sensations fortes doivent être contrôlées tous les ans et ce sont des organismes accrédités par l'État qui s'en chargent. Des accréditations qui doivent être régulièrement renouvelées. De son côté, l'exploitant du manège a le devoir de vérifier chaque jour les points de sécurité sur ces manèges. Enfin, le constructeur de l'attraction doit également assurer une maintenance après un certain nombre d'heures d'utilisation. Dans le cas de l'accident au Cap d'Agde, la question des conditions météorologiques se pose. La tramontade soufflait jusqu'à 80 km/h le soir du drame. L'enquête se poursuit. Et dans ce contexte de fortes rafales, les Bouches-du-Rhône ont été placées en alerte rouge aujourd'hui face aux feux de forêt. Le risque d'incendie est toujours très élevé dans le département. Un feu de végétation a d'ailleurs brûlé 20 hectares hier à Rognac. Vigilance orange également aujourd'hui dans le Var et dans le Vaucluse où un incendie ravageait 6000 m2 de végétation dans la nuit à Avignon. Il est désormais éteint. Un hommage national sera rendu à l'historienne Hélène Carrère d'Ancos. La première femme à la tête de l'Académie française est morte ce samedi à l'âge de 94 ans. Une cérémonie sera présidée par le chef de l'État Emmanuel Macron dans la cour d'honneur des Invalides. Elle aura lieu avant la fin de l'été, selon un communiqué de l'Élysée. Encore des difficultés sur les routes aujourd'hui. Bison futé, voie rouge dans le sens des départs en Auvergne-Rhône-Alpes. Orange partout ailleurs. En revanche, la circulation sera fluide du côté des retours. La journée qui est classée verte. Et puis les choses se précisent. Le combat de MMA entre Elon Musk et Mark Zuckerberg pourrait avoir lieu le 26 août. L'info peut faire sourire, mais on le rappelle, les deux géants de la tech veulent se défier sur le ring. C'est le patron de Tesla et de X, anciennement Twitter, qui avait lancé en premier les hostilités fin juin. Mathieu Bellisario. Oui, Elon Musk avait posté sur son compte Twitter « Je suis prêt pour un combat en cage », une référence à la cage dans laquelle se déroulent les combats de MMA, cet art martial où quasiment tous les coups sont permis. Le patron de Meta, Mark Zuckerberg, a depuis répondu qu'il était prêt. Des échanges qui ont évidemment enflammé la toile, mais derrière cette grande bataille de communication, bien c'est en fait une guerre fratricide que se livrent les deux hommes depuis des années d'ailleurs. Une guerre désormais directe via leurs réseaux sociaux respectifs, encore plus d'ailleurs depuis le lancement début juillet de Threads par Meta, une plateforme qui reprend les mêmes fonctionnalités que Twitter et qui compte déjà 120 millions d'utilisateurs. Et à noter que les recettes de ce combat seront reversées à des organisations venant en aide aux anciens combattants. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité à retenir à la mi-journée. Très bonne journée à tous. Alta frequenza, on si posta senza, alta frequenza. Squadra pronta a festinia, ginati all'alborea ritti alla nuta, di guidare d'amore era l'uso campa, a filosofia che voglia un parà. Così lungo una vita di venista, e riposo in eterno a morte asa. Così lungo una vita di venista, e riposo in eterno a morte asa. Sempre a longa andà, verranno a chiar di luna per un saluta. Se firma duro tempo non si potrà guagliar a filosofia che voglia imparar. Così lungo una vita di venista e riposo in eterno a morte asa. Così lungo una vita di venista e riposo in eterno a morte asa. spesso così, fra zanque a mio ida i venti di qui, so figlio o fratelli, mi pare di sì, a filosofia chi cerco a capì, così long una vita di venista, e riposo in eterno a morte asa, così longa una vita di venista, e riposo in eterno a morte asa, così long una vita di venista, e riposo in eterno a morte asa, così longa una vita di venista, e riposo in eterno a morte asa. Alta frequenza a Radio Ria Corsica. Rimore di legne tronche e luce rossa di Vornu, i mandili stretti in fronte, un'aspettata il ritorno. Ogni pietra negro fumme, piano piano si è staccata, per fa piazza un altro lume, nan tua teglia disperata. Io chi mi so scallato, qualche porta la so fiara, mi pare tanto peccato, che arriva anche più chiara. Chi fa, chi ci si può fa, chi fa, chi ci si può fa, anche nostre medie antiche una si ne vanno, per d'altre case più ricche e di noi assai lontano. Ci spichemmo di l'antichi, i gaccemmo di paese. Non tua rada non c'è più fighi, si campa l'uso francese. Io chi mi so campato con un pezzo di pane intinto, mi pare tanto peccato che mi sento cuore stringo. Chi fa, chi ci si può fa, chi fa, chi ci si può fa, inde tutta la confine e risumminata grano, o Gesù e gardelline che cantano lo verrano. A un sole nanto all'aglia, un tripio pare fermato, ed un messa a mezza paglia si sente come spogliato. E io chi mi so svegliato stamane con mio nacello, sa più troppo sonniato per donare di un sitello. Chi fa, chi ci si può fa, chi fa, chi ci si può fa. San Antonio, lo Turchino, Lutovis, Angeli, così in forza di pietà e di squassà. Amanti d'ani, chi sogni, pretesti da risa di l'umanità. Perula, perula, mezzo mari, perula, perula, mezzo mari, perula, a mezzo mari. All'onde di alta frequenza. Chi propone la rigade d'altro, a rigade d'altro. Alta frequenza a Radio Ria Corsica. Alta frequenza, non si può stare senza. Alta frequenza. Gioia più grande c'è dalla vita chi dà, da rimanere lì sai rende, che mu tutti un viaggio a fa. E da ridoni pena c'è sempre una via tua, non so più castelli di rena, chi ha domando lascia. Notte chi rima, guarda più bella e verigida, e poi più alta che agima, ma sa che tu e voi portare, che tu, un sì che tu, chi ha li vuoi da, che tu, che tu chi ha l'impo viva. Tu le uomini alle domani distinto ne oliva e l'acqua di ste fontane corre quante la ne sa. La incorre sta fortuna, il ruerai un diventa, guarda chi sta vecchia luna, stasera s'addaccina. È più ricca come crede, terra di sull'aura. Sai chi mi muovede, la bella strada un farà. Che tu, un sì che tu, chi ha li puoi da. Che tu, un sì che tu, chi ha li puoi va. Che tu chi ha li puoi da. Che tu un sì che tu chi ha li puoi va. Più alta frequenza e a me amo passione. Alta frequenza a Radio Ria Corsica. aussi. La musique revient dans un instant, juste après ça. Le 10 août, c'est la fête patronale de Portici. La rive sud célèbre la Saint-Laurent. Le matin, dès 8h, place aux sportifs avec la grande édition du Swim Run, une course mêlant nage et running. Dès 22h30, la Saint-Laurent s'illumine de son grand feu d'artifice pour faire pétiller tous les regards. Le 10 août, tous à Portici pour la Saint-Laurent, le rendez-vous convivial de l'été. Et n'oubliez pas, à 18h30, la traditionnelle messe de la Saint-Laurent en l'église de Portici. Alors, ton fils fait quoi à la rentrée ? Il se lance dans l'immobilier. L'école de commerce et de management de la CCI propose un BTS profession immobilière en alternance cette année. C'est nouveau ! Super ! Le mien fait un bachelor chargé ressources humaines en alternance aussi. Ils avaient déjà des offres d'apprentissage. Il a trouvé de suite une entreprise. Découvrez l'école de commerce et de management Corsica de la CCI de Corse Campus Ajaccio. Des formations spécialisées de bac à bac plus 3 dans les domaines du commerce et du management. Info formation-cchc.fr. Ogni giorno approdetti l'acqua. mas a risorsa può sparire. Ogni goccia conta, per mantenere la ricchezza di nostri territori e assicurare una chavena. Muimo ci insieme, finché è sempre tempo. Sa campagna è proposta da Collettività di Corsica, i suoi uffici e agenzie. Come rinasce un finigi. Alta frequenza in Bastia, 98.9. Alta frequenza a Radio Ria Corsica. L'uccello era in fuoco quando stanno portato per suo l'eterno luogo di l'ultimo fiato e a Dio sempre in mano. murmullo silenzioso d'una stanza brisante da retano giudioso. Ma si vivo, ma si vivo. I polvere si addormentando, ode allora mai, o prede non ti vergogni, ti ringrazia Gesù, non è nulla tui sogni, ti darò giuento, ma si stasera io so, si tu un fiore in maggio, qui stasera io so, chi per te conterà io, grazie a te a Cristo, il eterno glielo. Alta frequenza a Radio Ria Corsica. In i garrulli scuri via di anilimenti, in i stretti diserti passi penitenti, Dio pensa rivedo chi fu di su presenti, Dio pensa rivedo chi fu di su presenti, affianca tanti lumi o versa cori pieno, strappa la luna bianca e lui arnanca pena insignendo rimori, e l'ombra chi ci mena insignendo rimori, e l'ombra chi ci mena. Scinomo, volta la lu passato, da dici che non semo e che non semo stati, prima d'essa colpiti e pochi rivoltati, prima d'essa colpiti e pochi rivoltati, affianca tanti lumi o versa cori pieno, strappa la luna bianca e lui arnanca pena, insigne un rimori e l'ombra chi ci mena. Thank you. sposi, coscienzi traditi, ananti tombi vioti, discorsi puliti, giorni a notte ori e riloghi infiniti, giorni a notte ori e riloghi infiniti, affianca tanti lumi o versa cori pieno, strappa la luna bianca e lui arnan cadena insignendo rimori e l'ombra che ci mena. Insegnando rimori e l'ombra che ci mena, fianca tanti lumi, o versa cori pieno, strappa la luna bianca, e lui arranca pena, insegnando rimori, e l'ombra che ci mena, insegnando rimori, e l'ombra che ci mena. Alta frequenza a Radio Ria Corsica. Alta frequenza, un si posta senza. Alta frequenza. Onda scopre gli ogni nomi in piazza usore, chi chiama te. Onda sente mugia chi fa onda scopre in piazza l'ore linde serene tocco in un bermù e ritruassi le stelle di un altro tempo di una onda scopre sempre c'era. Se un fiore di maggio sbucciato a fiore di marina, pompano e senza spina, ma la talimenta e l'acquifraglio. Se un fiore di lume che si infiora l'usoli, ma come li pompagioli che si è preso in tu si è sgranata. Ma gira tu capo e l'isenza. Uriana di viori, vitale di vidu tu voltu, di labru fundi ugol tu, e svanitu chi era un sogno. Tantarine Cristi, i tuoi esi sono diati, tra mura d'aria e divanti, corri tu, balli tu, dando via la vita virtù, negri tu. strade colpaccia, in bocoria bianca in Giulia, o contrasto a battaglia, schiavitù, soffritù, dando via da vitover tu, negri tu, in capelli di pitagli, mossi Gesù o compagni, i tuoi credenzi andani, tinti da briche lontani, lodi tu, mischi tu, dando via da vitover tu, negri tu. Di sto in bianco, voli scogliuta la granco, mori tu, corri tu, dando via da vita. Alta frequenza, so due ore. Baigneurs imprudents, voire inconscients, le week-end noir des sauveteurs en mer en Corse. Diurna Tidicorti pour un sursaut patriotique face à l'illusion et les lignes rouges. Corinne Franti, de son côté, soutient les artisans taxis face à la concurrence déloyale de particuliers. Enfin, en football, c'est la rentrée pour la CALESCB ce week-end, nos deux représentants en Ligue 2. L'actualité corse avec Frédéric Bertocchi. Bonne journée à tutti. Les sapeurs-pompiers d'Haute-Corse sont intervenus ce dimanche soir dans la baie de Courbar, en Balagne, pour un secours en mer. Deux victimes ont été sorties de l'eau en état d'urgence absolue et évacuées vers le centre hospitalier de Bastille par l'hélicoptère Dragon 2B. Il s'agit d'une mère et de son fils. La mère s'est jetée à l'eau pour venir en aide à son fils qui se trouvait en difficulté dans une mer déchaînée. Après la journée de samedi où les sauveteurs en mer ont réalisé 14 opérations de sauvetage afin de porter assistance à 17 personnes en difficulté, rien que dans le golfe du Valinc, où la journée du dimanche a été une nouvelle fois chargée pour les sauveteurs. Donc, pourtant, les mauvaises conditions météo ont été annoncées. La baignade était déconseillée, voire même interdite dans beaucoup d'endroits. Cela n'a pas empêché beaucoup d'imprudents de se jeter à l'eau, de sorte que sur coordination du Cross Corse et du Codis de Zal, les sauveteurs en mer de la SNSM sont intervenus de nouveau à plusieurs reprises ce dimanche dans le Valinc, afin de secourir des baigneurs en difficulté ou blessés dans des rouleaux. Les secours sont notamment intervenus pour un début de noyade sur la plage de Caladourde ou sur la commune de Côtier. De nombreux moyens ont été engagés, dont l'hélicoptère Chouka et deux véhicules d'intervention SNSM. La victime a été évacuée vers le centre hospitalier d'Ayahachou. Un baigneur a également été blessé sur la plage de Portihol, où les sauveteurs là aussi sont intervenus. La victime a été évacuée vers le centre hospitalier de Sarthe. Notez qu'un navire s'est également échoué sur la plage de Campoumor, où suite à une rupture de mouillage, les sauveteurs rappellent une énième fois que les baigneurs doivent faire appel à leur bon sens. Ne prenez pas de risques lorsque vous voyez que la mer est agitée. Ne vous surestimez mais pas, les courants sont plus forts. Baignez-vous dans des sites surveillés et surtout ne laissez pas vos enfants se baigner seuls, y compris les jeunes adultes. Nouveau drame de la route en Haute-Corse, un homme de 70 ans a perdu la vie dans un accident de la circulation à Olmet Aditoud. Les sapeurs-pompiers ont été alertés peu après 6 heures hier matin. Ils n'ont pu que constater le décès du septuagénaire. La victime a été éjectée de son véhicule qui semblait seul en cause. Avec le vent fort qui a soufflé ce week-end en région bastiaise, un incendie s'est déclaré à Borg où il a rapidement parcouru du terrain. Ce sont 5 hectares à 6 hectares qui ont été parcourus dans la plaine de Borg ou proche d'habitations. Si le feu a été fixé, un sapeur-pompier professionnel leur service a été blessé en tentant de défendre son habitation contre les flammes et en évacuant son domicile. Sa maison a été fortement endommagée par les flammes, tandis qu'une autre maison, non loin de là, a vu sa façade noircie. Deux voitures ont été détruites par les flammes. Plus de 50 hommes ont été mobilisés avec en appui deux hélicoptères bombardiers d'eau. Clôture ce dimanche des 41e Diurnat International di Corti. Corsica Libera et les très nombreuses délégations internationales présentes durant 3 jours à Corti ont abordé le thème de l'autonomie, mais aussi et surtout celui de l'indépendance. Au cours du meeting de clôture, mais également des débats précédents, Corsica Libera a de nouveau rappelé l'échec du processus en cours, qui pour le mouvement n'en est même pas un. Corsica Libera a ainsi appelé à un sursaut. La solution ne pourra venir que des forces vives en Corse. A rappelé le mouvement, il faut que Paris cesse d'être le maître des horloges et même des thématiques. Il faut aussi que la majorité territoriale cesse de cautionner une simple décentralisation améliorée imposée par Beauvau et qui pose des lignes rouges inacceptables pour les indépendantistes. Ces derniers lancent ainsi à Tiama di Corti un appel au sursaut et au rassemblement des forces patriotiques. Corsica Libera a ainsi rappelé dans ce contexte son soutien au communiqué du FLNC qui appelait à une mobilisation populaire. Différentes réactions à venir dans nos prochaines éditions. Ce samedi, Corinne Franti a tenu une conférence de presse à Figari en soutien aux artisans taxis de Figari, mais plus globalement de Corse. Selon le parti qui a déjà soumis une motion approuvée à l'unanimité par l'Assemblée de Corse, les artisans taxis, à l'aéroport de Figari notamment, feraient face à une concurrence déloyale de la part de particuliers qui se serviraient de divers moyens pour attirer vers eux des touristes, à un prix bien sûr défiant toute concurrence. Olivier Saoli, pour Corinne Franti, évoque même des propos anti-Corse émanant de certaines de ces personnes. On écoute Olivier Saoli. D'abord situer dans le temps que nous avons déjà déposé une motion à l'Assemblée de Corse concernant le soutien aux artisans taxis, loueurs et transporteurs de Corse, de Figari aussi, hein, plus spécifiquement, puisque le problème a commencé à se poser avec acuité sur l'aéroport de Figari et autour, mais bien sûr, il touche un certain nombre d'aéroports. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que cette motion a mis en évidence, puisqu'elle a été votée à l'unanimité, la dangerosité de l'ubérisation d'une activité ou de plusieurs activités qui met en péril justement un certain nombre d'acteurs économiques en Corse. En l'occurrence ici, les artisans taxis, les loueurs et les transporteurs en Corse. Cette ubérisation, qui est le fruit ni plus ni moins du système capitaliste et financier qui déréglemente l'activité, elle s'accompagne entre autres, je dirais, de comportements pour le moins paracommerciaux très dangereux, puisque aujourd'hui, on voit à travers moult exemples des gens qui s'improvisent au départ, si vous voulez, paysagistes de Saint-Antique aux résidences secondaires, qui après leur assurent un transport clandestin jusqu'à l'aéroport à différents tarifs, qui après s'organisent eux-mêmes entre eux pour monter une petite société et qui font fi, ni plus ni moins, du droit en vigueur, des taxes et cotisations que ces artisans payent et qui en plus s'accompagnent de comportements, eh oui, racistes, anti-corse, dès lors que ces artisans taxis essaient de leur montrer, de leur expliquer que ce qu'ils font, c'est pas bien. Donc aujourd'hui, nous, dans le droit fil de la motion que nous avons déposée et fait voter à l'unité à l'Assemblée de Corse, nous avons fait cette conférence de presse pour leur réitérer notre soutien. Nous sommes maintenant présents à l'aéroport de Figari, toujours en forme de soutien. Nous appelons surtout au-delà les institutions concernées, les politiques qui nous ont également soutenus ou qui les ont soutenus, de prendre, je dirais, toute leur part de responsabilité et dans la semaine, à travers une réunion commune, de dégager les pistes nécessaires pour mettre un terme à ce genre d'activité paracommerciale. Alors, vous parlez d'ubérisation en Corse. Alors, très précisément sur le transport de personnes en voiture, l'application elle-même Uber n'est pas disponible en Corse. Mais malgré tout, il y a, selon vous, un business, entre guillemets, de VTC qui est en train de se développer, c'est ça ? Il y a un business qui est organisé, qui s'est organisé même grandement, je vous dis, de type paracommercial, illégal, donc, et qui met en évidence toutes ces personnes, je vous dis franchement, qui sont au départ, si vous voulez, ni plus ni moins, alors, pour beaucoup, je vais vous faire rire, mais ça peut faire rire, certains militaires à la retraite, certains gendarmes ou proches à la retraite, certains paysagistes débarqués franchement, certains saisonniers débarqués franchement, et qui tous s'affranchissent de toutes ces règles, et qui, sur le tarmac en l'occurrence, n'hésite pas à adopter un comportement agressif, puisqu'on a entendu des propos anti-corse, des propos racistes anti-corse, et qui témoignent aujourd'hui d'une façon beaucoup plus globale, non seulement du non-respect du travail, non seulement du non-respect des travailleurs, non seulement du non-respect de la dignité sociale, mais surtout, à un moment donné, une colonisation de peuplement que nous avons toujours combattu, parce qu'ici, il ne faut pas faire abstraction qu'il y ait un peuple qui lutte pour ses droits, et que c'est pour ça, aujourd'hui, que certains n'hésitent pas, aujourd'hui, avec nous, dire... Si ça peut s'inquiéter des espoirs, il fera le chez vous. Est-ce que, selon vous, il y a des personnes qui aujourd'hui détournent, par exemple, l'utilisation d'applications qui servent à faire du covoiturage au départ, qui ne sont pas là pour du payant, mais est-ce qu'il y a des détournements ? Il y a des applications, bien sûr, qui tournent et qui sont détournées, je vous l'ai dit plus ni moins, sur le terrain. Cela suppose qu'urgentement et rapidement, nous puissions, je dirais, cadrer ce système afin que de tels méfaits ne se reproduisent plus. L'association Terra appelle à un rassemblement ce jeudi 10 août à 16h30 sur la plage du Lazaret à Ayacucho. En effet, dans une communication, l'association fait savoir que bientôt, les Ajacciens ne pourront plus se baigner ni même pratiquer des sports nautiques sur la plage du Lazaret. Selon Terra, l'État a autorisé la Chambre de commerce et d'industrie de la Corse du Sud à installer un caisson d'amarrage pour accueillir des mégayottes de milliardaires aux abords immédiats de cette plage familiale. Pour l'association, cette installation va se faire au détriment des Ajacciennes et des Ajacciens qui jusqu'à présent profitaient tranquillement des loisirs offert par cette plage familiale. Terra dénonce cette décision scandaleuse et considère que les yachts apporteront une pollution supplémentaire par leur consommation excessive de fuel, 2000 litres à l'heure pour certains, alors que la Corse est la deuxième région de France à émettre le plus de gaz à effet de serre. C'est pourquoi un appel au rassemblement a été lancé ce jeudi 10 août à 16h30 sur la plage du Lazaret. Football en Ligue 2, c'était la rentrée ce week-end pour nos deux représentants corses professionnels évoluant en Ligue 2. Donc, la Serre recevait Rodez à huis clos. Après un bon début de match, les Ajacciens se faisaient contrer dès la 6e minute. Rajou reprenait victorieusement un centre fuyant dans la surface de réparation et trouvant la faille, Rodez menait alors 1-0. Le CA dominait ensuite les débats copieusement et était récompensé juste avant la mi-temps suite à une belle tête de Tousgar qui ne laissait aucune chance au portier adverse. En seconde période, la CA avait énormément d'occasions de but pour remporter le match mais tombait sur un gardien de but ruthénois en état de grâce. Les Ajacciens étaient donc contraints au match nul, un but partout, mais Olivier Pantalone est demeuré malgré tout satisfait du contenu. On écoute l'entraîneur de la CIA. Je pense qu'ils ont tout donné. Après, c'est vrai qu'on loupe des situations et des occasions de but qui nous aurait permis de prendre l'avantage. Il y a quand même la satisfaction de voir que le groupe fonctionne bien, qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place et qui fonctionnent. Donc il y a cette satisfaction-là. Après, c'est sûr que quand on fait autant d'efforts et qu'on n'est pas récompensé, il y a cette frustration, mais je pense qu'on va vite la digérer. Mais. Oui, mais en Ligue 2, c'est toujours difficile quand on est mené au score face à une équipe qui est regroupée et qui joue quasiment contre. Notamment sur la première mi-temps. Être mené au score, c'est difficile parce qu'après, il faut garder un certain équilibre, comme on a vu que ça allait très très vite vers l'avant. Donc il fallait être très attentif, avoir l'envie de revenir au score, mais être attentif aussi au fait de ne pas prendre le second, ça aurait condamné le match. Donc oui, on avait bien débuté cette rencontre, on y cueillait à froid avec ce but, une mauvaise relance dans notre partie de terrain et un contre qui finit au fond. L'équipe n'a pas baissé les bras, elle a continué à chercher à revenir au score, à marquer. On a eu plusieurs situations, le poteau avant le retour au score. C'est bien d'être revenu à un partout à la mi-temps. Après, la seconde mi-temps, on fait beaucoup d'efforts, nous, pour essayer de prendre l'avantage. Face à une équipe qui est regroupée, hyper regroupée, c'est difficile à trouver. Mais malgré tout, on a des occasions pour passer devant. On ne les met pas au fond, c'est dommage. Et après, c'est sûr que quand on puise autant, on a senti peut-être un petit peu moins de jus sur le dernier quart d'heure, dernière 20 minutes. Et là, il fallait faire encore une fois très attention parce que cette équipe avait envie aussi de marquer, quoi. Il s'agissait d'Olivier Pantalone, entraîneur de la Serie A. Et puis toujours dans le cadre de la première journée de Ligue 2, c'est un SCB encore en rodage qui a ramené un point du match nul 0-0 de Concarneau, tout frais promu. En première période, le Sporting Club d'Ibastille a timidement dominé un match lénifiant, sans véritable grosse occasion, d'un côté comme de l'autre. Au retour des vestiaires, les Bretons revenaient avec d'autres intentions et mettaient en difficulté les Bastiais. Après une faute de Santé, il est dans la surface. Concarneau avait l'occasion d'ouvrir le score dès le début de la seconde période sur pénalty, mais Placide repoussait la tentative d'El Koumisti. Après cela, la domination bretonne continuait, même si le Sporting se procurait une grosse occasion au milieu de seconde période, avec un très bon centre de Liénard qui tombait sur la tête trop décroisée de Santelli. Il faudra faire mieux la semaine prochaine à domicile contre Valenciennes. Fin de ce journal sur Radio Alta Brigance en ce lundi 7 août 2023. Merci pour votre fidélité. Passez une excellente fin de journée à l'écho de notre programme. Ce soir, vous retrouverez Julien Pernici à 18h30 et 20h pour faire un nouveau point sur l'actualité en Corse. Sado. Radio Alta Frequenza, Radio Alta Frequenza, Alta Frequenza a Radio Ria Corsica. Di cuccagna che l'era do gioventù, oramai un lapiam brama è finito un torna più. Slaver su in questo mondo in cerca d'ogni virtù. Piglia te pare un fine aver rida e quassù. Quassù si besa l'altagna e l'umutrone di nu. Si discioglie ogni pena e l'amor un more più. L'acqua di la fontanella corre tra mezza di voi. Ne basce la begurella senza demene di voi. Be si scopre l'orizzonte, dal tuo mare l'aldilà. Qui si immergi ad alta fronte e ti moro munne ha. Qui si apre nulle volte per quei luoghi s'abitia. Non si teme mai la morte qui tu te. Spunta lo primo albore, all'oriente guarda. Vi sbuccia lo primo fiore, un fiore di libertà. Con la luna e con lo sole, sempre per l'eternità. Sta l'antico maestro, puro giudia verità. Yeah. Bonjour, bienvenue sur Alta Frequence, c'est Roxane pour vous accompagner. Nous sommes le lundi 7 août, il est un peu plus de 14h, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée, que si vous êtes en vacances, pour ceux qui travaillent, courage, allez, bientôt peut-être les vacances. On va marquer tout de suite une petite pause et on va se retrouver juste après pour la musique avec Adèle et Oh My God, et Vadim avec Voce do Gedi Domani. La musique revient dans un instant, juste après ça. 10, 11...